Quel trou du cul. Là, tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends déjà? Oh yeah, GG, sacré toi. Ça sature là, t'es trop fort. C'est bon ou pas? Y'a de la latence à mort. Il faut que t'ailles dans. Comment ça s'appelle? Dans panneau de configuration du PC. C'est dans option son du PC. Dans les paramètres de configuration. Et d'un moment, tu devrais avoir un petit icône qui est marqué UDROL ou je sais pas quoi dessus, tu vois. Généralement, t'as seulement un icône qui s'est créé dans les paramètres de configuration pour la carte son. Et là, tu peux régler la latence. Le truc de latence alors ou pas? Sous-classe. Ouais, il y a de la latence, c'est ça?